بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثاره متفهم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. قال المصنف قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد، قال باب يبر والديه ما لم يكن معصية. chapitre dont l'intitulé est يبر والديه، il fait de l'ihsan envers ses parents, il est bienveillant envers ses parents. ما لم يكن معصية، à partir du moment que cette bienveillance elle n'est pas dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Fabir al-Walidain, c'est une chose qui est murraqabun fi, c'est une chose dont Allah Azza wa Jalla a fortement exhorté. Lakin, il faut que ce soit bi hudud al-shar' ou bien bil mubah. Que ce soit dans les choses dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé. Wa maduna dhalika fala. La bir fi al-karaha wa la kadhalika fi al-marsiyah. La yadouz que la personne, il va le faire du bien envers ses parents avec les choses qui vont concourir à la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa la budan yakuna albir barfufik yani muqayyad bishar. Il faut qu'on observe dedans barfufik yani la religion. Wa dalilu dhalika qawluhu subhanahu wa ta'ala wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Et si jamais il t'exhorte à m'associer, فقال سبحانه وتعالى فلا تطعهما. Et cette ayah-là est descendue sur Sa'd ibn Abi Waqqas رضي الله عنه, lorsque sa mère lui a dit le prophète que tu suis عليه الصلاة والسلام prétend que tu dois être bon envers tes parents et écouter tes parents, moi je suis ta mère et donc je t'ordonne de me croire au dîne de Mohammed. Et cette ayah-là est descendue sur Sa'd ibn Abi Waqqas. وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فبر الوالدين يكون بطاعة الله عز وجل. والأشياء مباحة إيه في طاعة الله عز وجل. والآية في ذلك كثيرة، في كل الأدلة في ذلك كثيرة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف. لا لوبيسانس اللي ضمن المعروف هو الكونفنابل. الكونفنابل c'est ce que الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام ont légiféré. Et ce qui est légiféré, c'est-à-dire c'est les choses qui sont mubah, mustahab et wajib. Ou amma, les choses qui sont manhi an, que ce soit makruh, ou bien que ce soit barfufik, yani le tahrim, les choses qui sont haram, fala yajouz, fala yaslah. Ou en kana, al-karaha, il n'est pas asim, lakin c'est une chose dont Allah Azza wa Jalla et son prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ont interdit. Donc on ne peut pas s'adonner à faire de la bienveillance envers les parents, dont les choses dont Allah et son prophète ont, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont interdit. Fa kama qala huwa rahimahullah yabur waliday, il est bienveillant envers ses parents tant que ceci n'est pas dans la désobéissance. Qala hadathana Muhammad ibn Abd al-Aziz wa hada yani fihi kalam laysa bil qawi, c'est quelqu'un qui a dont la faiblesse dans le hifz est observée. Qala hadathana Abd al-Malik ibn Khattab ابن عبيد الله ابن أبي بكر البصري وهذا c'est quelqu'un qui n'est pas connu, on appelle un majhul hal, c'est-à-dire c'est quelqu'un dont on ne connaît pas son statut au niveau de la mémorisation. La mémorisation c'est une condition pour d'acceptation pour le hadith. Il faut que cette personne-là soit qualifiée par le critère de la mémorisation, sinon le hadith il est rejeté. Et comme lui le majhul hal, c'est-à-dire on ne connaît pas l'état de sa mémorisation, ce genre de hadith-là, ce genre de rapporteurs-là qui sont dans les chaînes de transmission vont rendre la chaîne de transmission faible. Malgré qu'il ait un nom qui est Tawil, Abdul Malik, Ibn Khattab, Ibn Ubaydillah, Ibn Abi Bakr, ça nous montre qu'il est mahrouf, c'est quelqu'un dont on connaît, mais il manque le statut de la mémorisation. C'est quelqu'un qui a des tullab, qui a des élèves, c'est quelqu'un qui a talab al-ilm, c'est quelqu'un qui a des mashayikh, lakin par rapport à sa mémorisation, on n'a pas les informations. Donc, on appelle ça majhul hal, c'est-à-dire quelqu'un dont on ne connaît pas l'état de sa mémorisation. قال لقيتهم بالرملة، الرملة البلدة في الشام. قال حدثني راشد أبو محمد، إيه لصدوق، سككان كي صدوق سدد حسن الحديث. قال عن شهر ابن حوشب، إيه حسن الحديث à partir du moment qu'il ne ramène pas un hadith dont les autres n'ont pas ramené. Et il en fera des riwayas, comme on parle. قال عن أمي الدرداء، on appelle أمي الدرداء الصغرى. Parce que Abu Darda, رضي الله عنه, il avait deux femmes. Une qui s'appelait أمي الدرداء et l'autre aussi أمي الدرداء. Les deux. Il y a أمي الدرداء الصحابية رضي الله عنها، et celle qui est évoquée dans la chaîne de transmission, c'est أمي الدرداء الصغرى. Il y a la كبرى et la صغرى, la petite et la grande. Et elle, c'est une تابعية. لكن من فقهاء التابعيات. Elle faisait partie des fuqaha chez les tabi'iyat. Rahmatullahi alayha. Qala an Abi Darda wa ismuhu Umair Uwaymir Pito ibn Zayd min afadil al-sahaba, parmi les sahaba de mérite. Ils sont tous naam de mérite. Qala awsani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi tis'a. Le prophète alayhi sallallahu alayhi m'a enjoint 9 choses. Wa awsani hahuna, c'est yani fil amr al-muhim. Lorsque on enjoint une chose à une personne, c'est dans les choses qui sont importantes. Awsani et fi al-muhimmat. Allah Azza wa Jalla, il évoque le verbe wasa pour les choses qui sont muhim jiddan. On peut pas évoquer awsani thumma on ramène une chose qui n'a pas d'importance. Awsani, c'est pour une chose qui est vraiment muhim jiddan fi al-amr al-mu'akkad, comme a dit les ulama. Qala awsani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi tis'a. Et قال العلماء هنا في ضبط العلم بالارقام. ضبط العلم بالارقام. Le fait de mémoriser la science par le biais des chiffres. Et ça permet de ne pas oublier. Ça permet de ne pas oublier. Car si jamais il aurait narré directement le hadith sans évoquer le chiffre, tu sais qu'il y a eu des informations qui ont été évoquées. Si jamais tu prends pas le temps de les énumérer, tu vas peut-être pas savoir combien il y a de fawaïd et combien de wasiyya, combien il y a de d'enjouements. Dabtul ilm bil arqam, ça c'est muhim jiddan. Car ça te permet, si jamais tu oublies, de savoir ce que tu oublies. Awsani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi tis'a. Thumma j'évoque, yani, 7 yani min al wasaya. Je sais qu'il me manque 2. Et ça c'est muhim jiddan. Et ça on le retrouve énormément dans la sunna du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, de son ta'lim. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع المبيقات. تمام. فضبط العلم بالارقام هذا شيء مهم جدا. Ça nous permet de bien cerner les choses, les informations et de pas les oublier. Et si on les oublie, on sait combien on a oublié. هذا مهم جدا. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم اوصاه directement sans évoquer le nombre de 9. Puis lui, lorsqu'il les a énumérés, il a vu que c'est au nombre de 9. Et lorsqu'il a su, Abu Darda رضي الله عنه, qu'il est important de mémoriser la science par le biais des chiffres, fa'ila évoqué en muqaddima bi tis'a. Qala awsani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi tis'a. Qala la tushrik billahi shay'a. Et c'est la première des recommandations. Et c'est la plus grande des recommandations. C'est la recommandation dont Allah Azza wa Jal, il a commencé fi kitabihi. Awwal an-nahi, la première interdiction qu'on retrouve dans le Coran, fi kitabillahi Azza wa Jal, an-nahi 'ani ash-shirk. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. Ça c'est la première des recommandations fi kitab Allah azza wa jalla, ou du moins la première des interdictions. Ama la première des recommandations, c'est qu'on subhanahu wa ta'ala ya yuhannas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum ya yuhannas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Fa la première recommandation c'est fi kitab Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'amr بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. إلى première interdiction في كتاب الله سبحانه وتعالى c'est النهي عن الشرك. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي أن الله عز وجل هو خالقكم. Ne placez pas des égaux à Allah سبحانه وتعالى. Or que vous savez que en dehors d'Allah عز وجل personne ne mérite cela. فقال لا تشرك بالله شيئا. Et شيئا هنا سعى. Et أي شيء. ملك مقرب كسوى ملك مقرب رسول مرسل كسوى الشجر كسوى الأحجار الشمس والقمر الجين والملائكة شيئا car en dehors d'Allah Azzawajal, personne n'a ne t'a créé. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque yani كثير في كتابه يعني برهان الربوبية على الألوهية كما قال سبحانه وتعالى ما الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم فلا يبقى هنا خلقكم كا سي ان صفة كي بخبخ الله عز وجل en dehors d'Allah عز وجل personne ne crée donc celui qui t'a créé mérite d'être adoré en dehors d'Allah عز وجل personne ne crée ils sont tous مخلوق Et ils sont tous fuqara ila Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tushrik billahi shay'an ayyi shay. Ayyi shay'in kana. Fala ibadatakun lillah wahdahu la sharika la. Wal amru fi dhalika fi kitabillah kathiran. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Aqala subhanahu wa ta'ala qala rabbuka an la ta'budu illa iyyahu. Wala tad'u ma'a Allah ilahan akhar fatakuna min al-mu'adhdhibin. Fal ayat fi dhalika fi kitabillah kathiratun jiddan. Et ha hona la tu shirk كذلك سعام que ce soit dans le shirk et asghar ou bien le akbar les deux la tu shirk billahi shay'an qala wa in quti'ta aw hurriqta même si jamais tu venais être torturé ou bien brûlé wa in quti'ta aw hurriqta et ça wallahu alam c'est peut-être yani qabla nuzul al ayah qul subhanahu wa ta'ala man kafara billah من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. Allah عز وجل a autorisé la mécréance par la langue ou bien par les actes dès lors que le cœur est مطمئن بالإيمان lorsqu'il est dans la contrainte. Allah عز وجل a autorisé la mécréance par les langues et les membres à partir du moment que le cœur est مطمئن, il est apaisé par la foi. Lorsqu'il est contraint à faire cela, lorsque la contrainte l'appelle à faire cela. Allah Azza wa Jalla a donné une dérogation. Lakin, هذا الكفر يكون باللسان, c'est juste par la langue et c'est juste par les membres. كما قال سبحانه وتعالى. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره. Excepté la personne qui sera contraint. وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر صدرا. أما celui qui dont son cœur il est apaisé par ce qu'il fait, par la contrainte dans laquelle il est apaisé à le dire, apaisé à le faire, فهذا c'est du kufr billah, عز وجل. نعم. فسا والله أعلم لعل c'était dans les débuts. Comme c'était le cas de Ammar ibn Yasser, ses parents ils ont été torturés, فالله عز وجل. Parce qu'il disait la ilaha illallah faqat. Il disait la ilaha illallah. Et avant, يعني, كما جاء في الحديث, يعني أنه كان يعني يؤتب الرجل فيجعل المنشار على على رأسه on lui ramenait on mettait une scie sur sa tête on lui demandait de kufur billahi azza wa jal et s'il faisait pas il était coupé en deux s'il faisait pas ils étaient coupés en deux فهنا ils étaient obligés de patienter sur cela Allah azza wa jal il a mis de la rahma de la miséricorde dans cette communauté là et il a autorisé lorsqu'on est contraint dans la véritable contrainte de pouvoir prononcer la mécréance ou bien de la faire par nos membres, dès lors que nos cœurs sont apaisés par la foi, c'est-à-dire qu'on rejette ce qu'on est en train de faire par nos cœurs. Parce que ton cœur, cette personne-là qui te contraint, n'a pas la possibilité de regarder ce qu'il est pour Allah, ya Azza wa Jal, amla. Amma, il va te contraindre à faire une chose pour qu'il le voie à travers tes membres, ou bien qu'il l'entende à travers ta bouche. Non. Enfin, ça, il a une possibilité de pouvoir te contraindre. Amma, le cœur, il n'a pas une possibilité de pouvoir te contraindre à être apaisé, à faire ce que la personne est en train de faire dans la mécréance. Fa ça, wallahu a'lam, la'alla c'était fil bidaya. La'alla hala kana bil bidaya. Il n'y avait pas de dérogation, il devait patienter. Thumma Allah Azza wa Jalla a descendu cette ayah. Man kafara billah. Surat al-Nahl, la ayah numéro 106. Man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. ولكن من شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم les personnes qui vont courir la colère d'Allah Azza wa Jal et son châtiment son énorme châtiment ce sont les personnes dont les cœurs sont apaisés à faire ce qu'ils sont en train de faire dans la contrainte c'est ces personnes-là qui seront châtiées amma celui dont le cœur est apaisé par la foi et il rejette par son cœur ce qu'il est en train de faire ou bien dire et celui-là il n'aura ni il n'encourt ni l'agrément, la colère d'Allah, Azza wa Jalla, est mis son châtiment. C'était fil bidaya. Mais qu'il a dit le vénéma, ma'a dhalika, Est-ce que c'est une obligation de prendre la dérogation, c'est-à-dire de prononcer la mécréance par la langue ou bien pas, la faire par les membres? Al-Sheikh Al-Usaymi, rahimahullah ta'ala, il évoque dans Al-Wasitiyya, quand il évoque la question de l'imam Ahmed, alayhi rahmatullah, lorsqu'on l'a contraint à dire que le Coran il est créé, il a dit à l'imam Al-Usaymi, rahimahullah ta'ala, certains des ulama avant l'imam Ahmed, rahimahullah, ils ont pris la dérogation. C'est-à-dire qu'ils ont évoqué par leur bouche que le Coran il a été créé, lakin ils ont rejeté ceci par leur cœur. Ils ont pris la dérogation, ils ont pris l'autorisation qu'Allah Azza wa Jalla a donné à toute personne qui est contre lui. Et qu'il parle, un dans le cas de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il est différent. Car il y a, toutes les personnes ont répondu parmi les ulama, il y a ni d'apparence. Il ne restait plus que lui et un autre qui s'appelait Mohamed Nour. Mohamed Nour et Mohamed Nour. Et tous les deux, ils étaient amenés à aller voir le hakim à l'époque. Et ils voulaient les contraindre. Et sur la route, cette personne-là, elle est morte. Donc il ne restait plus que l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, tout seul. Et quand le Cheikh Al-Asami, alayhi rahmatullah, dans sa situation, l'imam Ahmed, il lui était interdit de prendre la dérogation. Car à travers le fait qu'il aurait pris la dérogation, ça aurait été un mal qui était énorme pour la Ummah. Car yani, les gens de la masse auraient yani, compris que donc le fait que le Coran il est créé, ça aurait été une mafsada qui arrive. Et ça, c'est du kufr billah, il a raison. C'est de la mécréance, le fait de penser ou bien de dire que le kitab d'Allah il est créé. Ça, c'est Bilijma' al-Laki, rahimahullah ta'ala, il a évoqué de plus de 500 minan ulama que celui qui évoque que le Coran est créé, c'est un kafir billah, il a raison. C'est un ijma' qui est marouf. L'imam Ahmed, il dit, le Cheikh Al-Azim, rahimahullah ta'ala, il était comme un mujahid qui est en face de l'ennemi, à qui il lui a ordonné de patienter et faire preuve de fermeté et ne pas fuir. Mais de prendre une dérogation et ceci et cela. Parce que là, le mal était beaucoup plus grand. À ma part, si jamais une autre personne, yani, qui est contraint, on le contraint ou on veut le forcer à prononcer la parole de kufr, et yani, c'est une personne, yani, fi akhir, comme c'est pas un marja, et une référence dans la Ummah. C'est un frère à l'akhir, à la talab al-ilm, et on veut le contraindre. Faha, on a pas l'événement, il y a 12 là-bas. Anahu yathbut. Il y a 12, anahu yathbut. Même si jamais il est amené à être tué. Et si jamais il est amené à être tué, comme déjà fait le hadith, man qutila duna dinihi fa huwa shahid. Celui qui est tué pour sa religion, il est martyr. Il est martyr. Yajuz. Dans certains cas, il est autorisé de patienter. Et dans certains cas, il est obligatoire de patienter. Lorsqu'on devient une référence, et que si jamais on prend la dérogation, ça va faire un mal qui est beaucoup plus énorme. Comme c'est le cas de l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, fahana, on ne peut pas prendre la ayah. Man kafara billahi min ba'di imanihi, de mécroire par les membres et par la bouche, avec un cœur qui a pesé par la foi. Ahana, c'est غير ممكن. Ahana, غير ممكن. Celui qui fait cela, il sera assez. Ithm ki haram jiddan. Amma, c'est une personne qui n'est pas une référence dans l'islam, c'est pas un marja' vers lequel les gens reviennent. Une personne de la masse en parle, minatullah, fahana, yajuz lahu annahu yathbut. Même si jamais il est tué. Et il y a 12 ulahou qui prennent la dérogation, comme il le veut. On trouve cette phrase-là dans son charge de Wasitiyya, rahimahullah ta'ala. Qala wa la tatrukanna salat al-maktouba muta'ammidan. Wa la tatrukanna as-salat al-maktouba. As-salat al-maktouba, on a salawat al-khams. Salawat al-khams, on yadkhul fi dhalika kull salawat al-wajiba. كل صلوات الواجبة ومن ذلك على الصحيح صلاة العيدين صلاة العيدين كذلك سفي بختيد صلوات كسو واجبة كذلك بطلفك صلاة الكسوف على الصحيح في خلاف بين العلماء لكن الصحيح أنه من صلوات المكتوبة الواجبة أما صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء فهذا هو المستحب والجنازة كذلك الواجب لكن للكفاية أفضل الممو كأمنا suffisant parmi les musulmans prient sur ce défunt-là, eh ben, il n'est pas obligatoire aux autres de prier sur les autres, sur lui. Et il est même yani, interdit de faire comme le font certaines personnes. Une personne meurt dans un pays musulman, et les gens, ils ont prié sur lui, et tu vois, maintenant, dans un autre pays, eh ben, parce que cette personne-là, il la connaissait, ils font ça à tel rêve à la chasse. يعني في صلاة الغيب على هذا الشخص، فهذا لا. صلاة الغيب on le fait pour une personne يعني dont qui est mort dans une terre dans laquelle on est sûr ou bien on a une présomption que personne n'a prié sur lui. Là on est obligé de faire صلاة الغيب عليه, c'est-à-dire de l'endroit où on se trouve on prie sur lui, même si jamais le corps n'est pas devant nous. أهنا نعم أما qu'ils ont déjà prié sur lui et toi tu pries d'endroit où tu es, فهذا ليس بصحيح. قال لا تتركن صلاة المكتوبة صلوات الخمس في الروسي متعمدا. Non, parce que tu peux délaisser la prière, لكن سهوا un oubli. كما جاء في الحديث من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها حين يذكرها. Celui qui s'est endormi ou bien qui a oublié de prier une prière. فقال النبي صلى الله عليه وسلم le temps imparti pour cette personne-là c'est au moment où il va s'en rappeler ou bien au moment qu'il va se lever. لأن celui qui délaisse la prière معروف هذا من الكفر بالله عز وجل. كفر بالله من ترك الصلاة هذا كفر بالله. قال سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. C'est celui qui délaisse la prière totalement. On parle de celui qui prie de temps en temps, ensuite il laisse de temps en temps, il prie à l'heure de temps en temps, il prie pas à l'heure de temps en temps. فهذا c'est يقول الله عز وجل سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ceux qui ne prient pas correctement ou bien ceux qui font sortir les prières de leurs heures. أما celui qui délaisse totalement فهذا قول سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. on ne faisait pas partie des musulmans. أما dans l'autre ayah il évoque qu'il fait partie des musulmans. فقال فويل للمصلين. Malheur à cette personne-là, malgré que c'est un musall, il prie. Et qu'il ne prie pas, selon le descriptif du prophète, alayhi wa sallam, et il a sort de ses heures. قال ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة. celui qui délaisse la prière volontairement برئت منه الذمة. الله عز وجل se désavoue de cette personne là. il n'est pas في حفظ الله عز وجل. برئت منه الذمة il n'est pas في حفظ الله سبحانه وتعالى. il n'est pas في حفظ الله عز وجل. الله لا يحفظه. معنى ذلك il est مخذول. il est voit sa personne. يا شيطان الرجيم. كما قال سبحانه وتعالى وإن يخذلكم إسي جميع بلبضان فمن ذا الذي ينصركم من بعد كي ينضر الله عز وجل فبدوني لسكر فسد برسل الله يبثل هو لشك. قال ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. إن بوابا للكل بسك الخمر إسي سكي يقولي سيبا لفن لكن كل ما يخمر العقل تسكي النصوص دي فرس سواء كان قليلا أو كثيرا. que la quantité de d'alcool qui se trouve dans cette boisson là soit d'une grande quantité ou petite quantité, comme sur le cas des panachés. Pas du panaché ou panaché, dans lequel tu vas retrouver 0,5 ou je sais plus. Et bien les champignons, de ce que je me rappelle, c'est un pourcentage d'alcool, n'est-ce pas, bien l'alcool. المهم même si jamais c'est 0,0001 فهذا كافي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. toute boisson qui est une source d'ivresse qui soit en petite ou bien en grande quantité c'est حرام لا يجوز. قال فإنها مفتاح كل شر. فإنها مفتاح كل شر. et من الشر ce que la personne qui a bu de l'alcool ne peut pas approcher صلاة. ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. il peut pas prêcher la prière. donc et c'est pas un udr. الآن cette personne là يعني faut pas qu'il pense que c'est un udr là-haut et qu'il peut prier après que نعم son esprit revient. à partir du moment qu'il a bu il sait ce qu'il a fait. avant il était à jeun, donc il sait ce qu'il est en train de faire. il sait que cette boisson là va lui faire louper la prière. enfin il a pas, cette personne ne peut pas rattraper. on peut comprendre voilà t'as pas le bousola avant de me choquer là et si jamais je suis plus ivre je peux rattraper la prière là. à partir du moment qu'il a bu il ne peut pas prier. comme Allah Azza wa Jalla déteste les personnes qui se présentent devant lui. sa prière n'est pas possible prier. et ça peut même mettre un bab al-istihza fi din Allah Azza wa Jalla. c'est comme celui qui vient et s'empare c'est un hal ou bien celle qu'elle aide et qu'elle prie, à ce qu'elle aide et on peut s'appuyer. Ça, c'est même là, mais l'istighfar. Khilaf un bain al-ulama, est-ce que c'est un istirza? Là, il y a le bid-din, parce que l'istirza bid-din, ça fait, c'est le kufr billahi azza wa jal. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'tadiru, qad kafartum ba'da imanikum. Ou la insa'altahum, la yakouluna innama kunna nakhoudu wa nal'ab. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا يا فادسكوس قد كفرتم بعد إيمانكم صريح جدا الله عز وجل كفر سكي خن لا لا religion en rêverie ف celui qui est ivre qui prie فهذا نخشى عليه هذا نخشى عليه من الكفر بالله عز وجل الإمام أبو حنيفة يبغى que celui استخفاف celui qui prie sans wudu celui استخفاف ça fait partie de l'istihza يعني فقال فإنها مفتاح كل شر نعم parce que enfin une personne qui est ivre il sait plus ce qu'elle fait il sait plus ce qu'il est en train de faire il peut insulter Allah il peut insulter le prophète il peut insulter la religion il peut insulter ses parents il peut tuer une personne il peut violer une personne il peut faire du mal فإنها مفتاح كل شر c'est-à-dire c'est une personne qui n'est plus au commandement de sa personne فهي مفتاح كل شر l'alcool c'est مفتاح كل شر on a pu voir les exemples à travers cela. Personne, il raconte vraiment n'importe quoi, c'est une risée pour lui-même. Et dès qu'il se réveille, il est dégoûté d'avoir fait ce qu'il a fait. Fa'inaha miftah ou kulisham, sahih. Elle ouvre la porte de tout mal. Et Shaitan, il s'est amusé d'une personne qui est ivre. C'est trop facile pour lui. Qala wa ati' walidayk. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuna. Ou ati' walidayk et obéis à tes parents, qui m'appelle subhanahu wa ta'ala wa qadara rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayn ihsan. Et la ordonnée, subhanahu wa ta'ala, d'être bon vers nos parents. Kama hauna fil hadith. Ou ati' walidayk. Et c'est là qu'il a voulu, qu'il a évoqué ce hadith-là dans ce chapitre. Qala wa in amaraka, ici, tes parents t'ordonnent an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Et si tes parents t'ordonnent de leur venir en aide, et ceci implique que tu sors de la dunya dans laquelle tu étais, de ton travail, ou bien de l'activité mondaine dans laquelle tu étais, tu dois leur venir en aide. Tu dois leur venir en aide. Ça, c'est à partir du moment que c'est possible. Parce que certains, lorsqu'ils rentrent dans un travail, il y a un impact qui est fait entre lui et son patron, qu'ils travaillent de telle heure à telle heure. Enfin, au fond, il y a un subhanahu wa ta'ala, à partir du moment que tu as donné ton nom. Ton accord, tu dois le respecter. Excepté si jamais tu donnes la permission pour pouvoir sortir, il le fait. Si jamais la possibilité de sortir, il faut qu'il le fasse. Parce que ça, son activité mondaine, c'est une chose, yani na'am, qui fait partie yani des wajibat, si jamais il a une famille à sa charge, yani pour venir aux besoins de sa famille. Si jamais il n'a que ce biais-là, na'am, il doit prendre ce biais-là pour venir aux besoins de sa famille-là. Lakin, ta'atul walidin, c'est une chose qui est aujad. C'est une chose qui est aujad. Parce qu'Allah Azza wa Jal peut te donner ton risque sans passer par le biais du travail. Amma, ta'atul walidin, fa'ala l'abd d'amin. Fa'idan, c'est aujad. C'est pour ça que Harouna nous qaddim. On fait prévaloir l'obéissance aux parents, et parmi cela, si jamais t'ordonne de venir. Inna man ta'atu bil ma'ruf lakin. Tant que c'est donc convenable, je pense que c'est là qu'ils vont venir l'imam al-Bukhari. A ta walidé, sors de ton activité mondaine, car ton activité mondaine par rapport à l'obéissance à tes parents n'a pas d'équivalent. À partir du moment qu'ils t'ordonnent de quitter ton activité mondaine pour une chose qui est moubah. Amma si jamais fait sa fille marciati, la fala. Fala sam'a wa la ta'a. Comme j'ai fait le hadith. Wa in amaroukum. بمعصيه فلا السمع ولا الطاعه ليس كذا يقود بيسوس قال ولا تنازعن ولاه الامر وان رايت انك انت que tu n'as pas le droit de comment ils ont traduit tunazian de quoi ne querelle pas ils ont dit ولا تنازعن ouais ne querelle pas le détenteur d'autorité. Ouais, c'est plus... Bon, ça rentre dedans. Ça rentre dedans. Qu'est-ce qui est voulu ici? La tunazi'annahum fil hukm. À partir du moment que le hukm il a été établi pour ces personnes-là, tu n'as pas le droit de venir et de te révolter. Kama qala huna wa in ra'aita annaka ant. Même si jamais tu vois que c'est toi qui mérites le pouvoir et que tu es ardal, tu es plus juste que cette personne-là, que tu vas faire mieux les choses, t'es a'lam bihi, t'as plus de science, mais concernant la politique et concernant la manière de gouverner, à partir du moment que le gouvernail a été établi pour cette personne-là, فَلَا تُنَازِعَنِ لَا تُنَازِعَنَ فِي ذَلِكَ. Tu n'as pas le droit de venir et de vouloir prendre le pouvoir. De vouloir prendre le pouvoir. Comme déjà fait le hadith, قَالَ مَنْ خَرَجَ عَنِ الْجَمَعَ شِبْرًا لَقِيَ اللَّهَ لَا حُجَّةَ لَا خَرَجَ عَنِ الْجَمَعَ. C'est-à-dire qu'il ne voit pas que cette personne-là يعني son président, son imam ou son roi et l'akhiré. قَالَ لَقِيَ اللَّهَ شِبْرًا. C'est-à-dire que même si jamais c'est un tout petit peu شِبْرًا, c'est l'extrémité des bouts des doigts, tu vois. Enfin, si jamais il voit qu'il ne rentre pas sous le gouvernement de cette personne-là, de la présidence, il n'a aucune excuse auprès d'Allah. C'est-à-dire qu'il peut venir avec toutes les excuses du monde, cette personne-là n'a pas de prétexte, n'a pas d'excuse. Tu penses avoir une raison valable pour pouvoir aimer de prendre le pouvoir ou bien révolter les gens à sortir contre lui, tu n'as aucune excuse. Même si jamais tu es a'dal wa a'lam minhu. Même si tu es a'dal wa a'lam minhu. Wa atul buyut min abwabiha. Tu veux le pouvoir, tu le prends comme il se doit. Comme il se doit. C'est-à-dire que cette personne-là te donne le pouvoir, elle laisse le pouvoir, ou bien elle meurt et tu viens et tu prends le pouvoir. Fahada huwa. وإلا لا يجوز appartement qu'il est établi, il est établi. خلاص. Car ça peut faire un mal qui est beaucoup plus grand. Comme قال السلف, une nuit sans hakim est bien pire que 60 années avec un hakim qui est injuste. Parce que c'est l'anarchie. Tout le monde fait ce qu'il veut, ça pille, ça viole, ça fait tout char. Il n'y a plus de d'autorité. قال ولا تفرور من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك. Il dit, ne fuis pas lorsque tu es au combat, lorsque tu es en face de l'ennemi, وإن هلكت, et même si jamais tu vois que tu vas périr, وفر أصحابك, et que tes compagnons ont pris la fuite. Alors Allah Azza wa Jalla interdit cela. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا, lorsque vous êtes au combat, قال فلا تولوهم الأدبار. Ne fuyez pas. قال ومن يوليهم يومئذ دبره. Et celui qui fuit à ce jour-là, إلا متحرفا لقتال, excepté Allah Azza wa Jalla légiféré de pouvoir fuir devant l'ennemi à partir du moment qu'il est متحرف لقتال, c'est-à-dire qu'il change de positionnement. Il voit que dans cette position-là, il y a de la faiblesse, il y a pour lui c'est ashab. Fahahuna, il ne fuit pas, lakin, il change de position. Donc, il change de position, il va dans un autre endroit, un peu plus sûr, dans lequel il est un peu mieux protégé, et ça va le permettre de pouvoir continuer. Fahahuna, c'est pas, il ne fuit pas. Là, il est en train de revoir la tactique par laquelle il va anéantir l'ennemi. Enfin, on ne comprend pas par rapport à l'aïa. Ya yuha lazina amanu laqi, ila laqi tumul lazina kafaru zahfa, que tu dois rester devant lui. Et même si jamais tu vois à côté de toi, il y a un endroit où tu peux te réfugier pour pouvoir continuer le combat, il y a dit, tu dois rester devant cette personne-là. Ce qui est voulu ici, c'est de ne pas fuir. Ah, mais si jamais tu t'écartes de l'ennemi pour l'attaquer par derrière ou bien par le côté, Farada, il est toujours dans le combat. Comme il dit, illa mutaharrifan liqitas, c'est-à-dire quelqu'un qui va changer de position. Qala ou mutahayyizan ila fi'atin. Ou bien, là, il voit qu'il y a du da'f dans le groupe dans lequel il est, enfin, ils vont rejoindre un autre groupe pour pouvoir mieux les combattre. Ou bien un autre groupe, ils sont dans le barf et eux, ils sont à la khair et ils vont secourir l'autre groupe. Ça rentre pas dans le fait de fuir. قَالَ إِلَّا مُتَحَيِّزًا إِلَى فِيَتِينَ فَقَدَ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Ça montre qu'on fait partie des kabaïres. Allah Azza wa Jal, il est en colère contre lui, son refus sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Dans le hadith, As-Sab'u al-Mubiqat, qala al-fararu yawm al-zahf. Parmi les kabaïres, les grands kabaïres, celles qui anéantissent cette personne-là, le fait qu'il fuit le jour du combat. Qala wa anfiq min tawlik ala ahlik. Dépense, yani pour ta famille, comme ala ahlik. Et dans le hadith al-Sahih, qala khayru dinar anfaqtahu dinarun anfaqtahu ala ahlik. le meilleur des dinars, c'est-à-dire la meilleure, comment ça s'appelle, le meilleur bien que tu peux dépenser, c'est ce que tu vas dépenser pour ta famille. Ce que tu dépenses pour ta famille est bien meilleur. قال ولا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله. Donc l'insan, il ne faut pas qu'il prenne, il y a le faire. Alors, en soi, c'est-à-dire, c'est une kenaya, c'est une métaphore pour évoquer la violence. D'utiliser la violence, il y a l'état imam. Il y a l'axe. Il faut qu'il utilise le rifq. Dans le hadith, on a pu voir que Allah Azzawajal a mis dans le rifq ce qu'il n'a pas mis en dehors de, comment ça s'appelle, de la violence ou bien le fait d'être dur. Dans le rifq, Allah Azzawajal, il met al-baraka, il met le khair. Donc, il y a mis faire preuve de douceur. Et utiliser au maximum la douceur pour essayer de régler le problème. Pour essayer de régler le problème et non pas utiliser en premier lieu la violence ou bien la dureté. La tarfa asa karam ahlika. La kinyajou, ce qui m'a déjà fait le hadith, a darb yani ghair mubarrih. Wa tarbu c'est akhir al-ilaj. Akhir al-ilaj. Comme on dit subhanahu wa ta'ala, wala titakhafouna nushouzahoun. Celle de, quand vos épouses, dont vous craignez la désobéissance, qala fa'idhouhoun. Premier lieu, la nasiha. Si la nasiha la tanfa'a, qala wahjuruhunna fil mudaji'. Et qu'est-ce que d'elle, il y en a dans. Il n'est pas avoir de rapport avec cette personne-là, avec cette femme-là. Qala wadribuhun, ay, ça c'est le deuxième ilaj. Le troisième, si jamais la yanfa'a, baqiya dar, wadribuhun. Wadribuhun. Et même avant cela, afwan, qala wun khiftum shiqaq baynahuma, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ça, c'est la quatrième ilaj. Premier ilaj, c'est le nasiha. À la ahle. Le nasiha. Ou le sabr. À la valide. C'est pas juste une fois et puis, khirash la faire. Là, Allah Azzawajal, yakoul, wa tawasum bil haqq. C'est-à-dire, il multiplie la nasiha. Le dhikr tanfa' al mu'min. Si c'est comme il a dit Cheikh Al-Azamin, si c'est pas aujourd'hui, demain, ça va. Ça va lui être un affaire. Ce que tu lui as dit, peut-être qu'aujourd'hui, il n'accepte pas, là, qui c'est entré dans son cœur. Peut-être par orgueil, ceci, cela, ou bien pas. Il ne veut pas accepter maintenant. Lakin s'est rentré dans son cœur, il sait qu'il a peur. Petit à petit, peut-être qu'il va se remettre en question, il va accepter. Enfin, à sabre. Alors, dans les cas, il multiplie le al-nasiha. Si cela ne fonctionne pas, deuxième ilaj, al-hajar, fil mabadi'. Je me parle, fil mabadi'. Tu t'écartes de elle, lakin fil mabadi'. Tu ne donnes pas son haq, tu par rapport au plaisir. Troisième ilaj, si jamais le deuxième n'a pas fonctionné, wadri'uhun, lakin kamaja fil hadith. Mais darbin ghayr mubarrih. Ce ne soit pas yani violemment. Ce ne soit pas violemment. Que ce soit juste yani pour l'éduquer, pour le faire comprendre. Ce ne soit pas violemment, que ça laisse des traces, que ça la laisse à terre. Quoi. Et si jamais tu vois que le darb la yanfa'a, parce que là, s'il y a le darb, c'est-à-dire que la rahma elle est partie. Enfin, la rahma elle est partie. Al-mawadda elle est partie. Parce que dans le couple, il y a al-mawadda ou al-rahma. L'amour et la douceur. Ahona, l'amour il est parti, la douceur il est partie. Wahdurouhun na fil mabadi', ahona il est parti l'amour. Wadribouhun, ahona il est parti la rahma. Si l'amour et la rahma il est parti, il va rester plus que divorce. Comme le Prophète subhanahu wa ta'ala, qala wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma, par rapport au couple. Allah Azza wa Jalla a mis entre eux, al-mawadda l'amour, wa rahma, qala la douceur. Fahdurouhun na fil mabadi', la mawadda elle est partie. قال وضربوهم سمت أن أغيب على لا كوجي هنا لا رفع ما لبحثي donc يعني les raisons pour lesquelles on s'accouple sont parties, ne sont plus là. Donc يعني on va craindre quoi? Le divorce. فقال سبحانه وتعالى فإن خفتم شقاق بينهما si vous craignez qu'il y aura un divorce entre les deux, قال فبحثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. Il ramène يعني une personne يعني du côté du mari, du côté de la femme, une personne est amenée afin de réconcilier entre eux. S'ils arrivent, alhamdulillah, qala in yurida islahan wa fiqillahu baynahuma. Si Allah Azzawajal veut une réconciliation entre ces deux personnes-là, Allah Azzawajal va mettre de la réussite dans cette chose. Enfin, on a quatre ilaj pour régler le problème de couple. Premier, la nasiha, et de patienter. Deuxième, al-hajr, le fait de s'écarter d'elle. Troisième, le fait de la corriger. Et ensuite, le fait d'appeler des réconciliateurs. قال واخفهم في الله. Ça c'est مهم جدا. اخفهم في الله. كذلك الاولاد. Lorsque tu veux le corriger, des fois tu vas dire ne fais pas cela parce que j'aime pas. Non, il faut dire ne fais pas ceci à partir du moment que c'est fait marcher. Là, c'est une chose dont Allah n'aime pas. ne fais pas cela car Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas cela. Et si tu continues à faire cela, Allah azza wa jalla risque de te punir. Il faut leur faire peur. Il faut que leur cœur soit lié à la peur d'Allah azza wa jalla. Tu peux les dire directement, je ne sais pas, il a volé, tu dis, ah, ton père n'aime pas cela, c'est grave ce que tu as fait. C'est grave, naham. Le père aussi, il n'aime pas cela parce qu'Allah n'aime pas cela. Lakin évoque le nom d'Allah azza wa jalla. Voler, c'est grave. Allah azza wa jalla a interdit ceci dans le Coran. Celui qui fait ceci, normalement, on lui coupe la main, ceci, cela. T'es en train de faire une chose qui est très très grave. Allah n'aime pas les personnes qui font cela. Si ces personnes-là venaient à mourir, il est mort avec une grande kaba'ir. Allah Azza wa Jalla peut le punir dans le fait de l'enfer. Faut lui faire peur. Akhifhum fillah. Akhifhum fillah. Il faut que leur cœur soit lié à la peur d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est mon but. Et ça, on l'oublie souvent. Lorsqu'on courait nos enfants, on se précipite et on les voit que j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Il faut évoquer Allah Azza wa Jalla. Et ce hadith-là, c'est dans la chaîne de transmission, comme on a pu voir, il y a les deux premiers, Mohamed ibn al-Aziz, Abdelmalik et le Khattab, qui sont considérés comme faibles. Lakin, ce hadith-là, il a une chaîne, il a d'autres chaînes de transmission qui renforce cette chaîne de transmission. C'est un hadith qui est hassan, il a beaucoup de shawahid. C'est un hadith qui est sabit. C'est un hadith dans lequel il y a une grande recommandation. Sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une fa'ana wa yaqim wa sallam.